L'actualité à Nancy et ailleurs. Léo Ronchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur et éducateur d'aviron à Nancy, au sport nautique de Nancy, plus précisément un club qui a été fondé en 1866. Vous n'y êtes pas depuis 1866. Ça a commencé quand, votre aventure au club? Alors, moi, j'ai commencé l'aviron donc à l'âge de 13 ans, donc en 2008. Et après avoir pratiqué l'aviron donc à Nancy, je me suis lancé dans le travail d'entraîneur et d'éducateur. En 2022, le club de Nancy, alors déjà, pour parler chiffres, combien d'adhérents? Alors, on a en moyenne entre 400 et 420 adhérents donc chaque année, avec des personnes qui viennent de tous les publics, donc c'est-à-dire des compétiteurs de moins de 18 ans et également beaucoup d'adultes loisirs ou qui pratiquent l'aviron donc en salle, l'aviron indoor. Voilà, on va venir sur ce que vous proposez justement comme activité encore plus précisément. Déjà, pour situer géographiquement, à Nancy, ça se situe... Ça se situe boulevard d'Austrasie, juste en face du stade Marcel Picot. C'est assez facile à trouver dans un coin plutôt agréable aujourd'hui de Nancy. Tout à fait, à côté de la plage des Rives là, qui va arriver cet été, c'est super agréable. On va y revenir justement sur ce que vous allez proposer tout cet été. Déjà, parlons un petit mot d'actualité, parce que votre club a été touché par un accident qui n'a pas de répercussions physiques, mais matérielles assez importantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, comme vous le dites, fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé suite à un accident. On se déplaçait donc sur le championnat de France universitaire et UNSS, donc avec le lycée Arthur Varocco et l'université de Lorraine. C'est moi qui conduisais donc une remorque avec des bateaux, et lors d'un freinage d'urgence sur la route, donc il y a un camion qui a pilé juste devant moi, donc j'ai dû piler à mon tour, et le camion qui était derrière moi a percuté notre remorque à bateau et a détruit tout l'arrière des bateaux parce qu'il a malheureusement pas pu freiner aussi vite que nous, en fait. Résultat, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts. Exactement. Alors, on attend encore que les assurances, l'expert des assurances passe au niveau du club, mais on estime entre, oui, aux alentours des 80 000 euros de matériel, surtout le matériel qui a été cassé lors de l'accident, donc c'est-à-dire les bateaux, notre remorque aussi qui a été sévèrement touchée, et le minibus qui tractait le convoi. Et quelles conséquences alors pour les compétitions à venir et... C'est vrai que là, au niveau des compétitions à venir, donc on a un championnat de France du 2 au 5 juin, où 3 des 7 bateaux qui ont été endommagés devaient être utilisés. Bon voilà, forcément, nous, ça met un coup de frein à main un peu inattendu dans notre pratique et dans la pratique de nos athlètes. Maintenant, voilà, on a aussi une grosse solidarité qui se met en place dans le milieu de l'aviron, avec des structures voisines qui vont nous prêter des bateaux. Il y a plusieurs clubs en France qui nous ont également proposé de nous prêter du matériel. Mmh. Donc à court terme, et on va trouver des solutions. Maintenant, c'est vrai qu'à moyen, long terme, voilà, en fonction un petit peu de ce que vont dire les assurances et leur position par rapport au remboursement de nos bateaux et de notre matériel endommagé, on pourra ou non répondre à nos besoins. Voilà, c'est pour ça que vous avez lancé une petite cagnotte pour essayer d'aider un peu le club dans cette situation un peu difficile. Tout à fait, on a lancé donc un appel aux dons suite à cet accident, effectivement à cette situation très complexe tout de même à gérer pour nous et pour nos adhérents, donc afin d'essayer de réunir un maximum de fonds pour à réussir à racheter du matériel, certainement d'occasion, ou réparer du matériel si les assurances ne venaient à pas tout couvrir finalement. Pour avoir les infos, pour vous aider, il y a le site internet du club, c'est quoi? Tout à fait, alors vous pouvez vous rendre sur Aviron Nancy, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook, et également sur avironnancy.com, et vous tomberez directement sur le site internet du club, avec toutes les informations. Il y aura des solutions, et merci d'avance donc à ceux qui pourront vous filer un coup de main. Pour revenir sur le club et sur ce qu'il est possible de faire tout au long de l'année, et même l'été, donc il y a plusieurs portes d'entrée, on a parlé de la compétition, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, et à partir de quel âge ça peut se faire? Au niveau de l'aviron, tout est possible. En fait, il faut savoir que le doyen du club a 85 ans cette année. Son prénom, c'est Jacques. Donc, c'est le doyen de notre structure et il rame encore. Donc, en fait, tout ça pour résumer que l'aviron, c'est une pratique qui est très accessible. Effectivement, il faut savoir nager. Ça, c'est un prérequis qui est inévitable. Il faut savoir nager. Et ensuite, si on est un petit peu sportif ou si on souhaite le devenir, c'est une pratique qui est vraiment très accessible et qui, en plus de ça, s'acquiert avec une progressivité vers l'autonomie. Donc, en milieu aquatique, c'est quand même très intéressant. Et en aucun cas traumatique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'à-coups. on est assis, c'est un sport, c'est une discipline qui est portée, donc qui est vraiment accessible à tout âge. Pour découvrir cette activité, même si on ne sait pas nager, vous avez aussi des activités hors eau. Exactement, c'est bien de le préciser, on a des activités hors d'eau, on a des activités indoor qui permettent aux pratiquants également d'accéder à la pratique de l'aviron, donc à une discipline qui soit non traumatique et qui développe tout le corps humain, l'ensemble du corps est développé sur cette pratique-là, de la tête aux pieds. On a des pratiques indoor et voilà, vous retrouverez également toutes les informations sur le site internet du club. Et je crois aussi que vous avez une accessibilité aussi pour les personnes handicapées, ça c'est important de le signaler je pense. Tout à fait. Alors, on a été pendant longtemps sur l'handicap physique et maintenant, on est également sur l'handicap mental et toutes les formes de déficience intellectuelle où on accueille du coup tous les pratiquants qui soient donc de la fédération handisport ou de la fédération de sport adapté. Alors, tous les ans, vous organisez des portes ouvertes. Ça, c'est plutôt vers le mois de septembre, hein, je crois, pour découvrir. Mais pour l'été, vous me disiez hors antenne que vous allez proposer bien, de venir découvrir ce sport. Tout à fait, on va proposer tout au long de l'été des stages qui commencent dès la première semaine de juillet jusqu'à la dernière semaine d'août. C'est des stages d'une semaine, donc du lundi au vendredi, où les mineurs pourront pratiquer l'aviron de 10h à midi ou de 14h à 16h. Et pour les adultes, ça sera de 18h à 20h. Pour ça, je pense qu'il faut s'inscrire. Tout à fait, donc tout se passe en ligne sur le site du club une nouvelle fois. Et on est également en partenariat avec la ville de Nancy pour des stages donc sur les après-midi de 14 à 16h sur quasiment toute la période de juillet-août. Donc vous conseillez à tous les auditeurs d'au moins essayer l'aviron, de venir découvrir? Oui, on conseille tout à fait de venir découvrir. C'est vraiment des stages d'initiation qui ont une portée déjà d'apprentissage parce qu'on va évoluer tout au long de la semaine. On va essayer de changer d'embarcation tout au long de la semaine pour aller de bateaux qui sont très stables et qui servent vraiment pour s'initier à la pratique sur les premières journées, puis aller dans des bateaux un petit peu moins stables si les pratiquants le souhaitent sur la fin de semaine. Et l'aviron, c'est un sport d'équipe aussi, hein, parce qu'on n'est pas tout seul dans le bateau. Alors, tout à fait. L'aviron, il a ses deux particularités. C'est qu'il est à la fois référencé comme discipline sportive individuelle et à la fois sur discipline sportive collective. On peut aller jusqu'à 9 personnes dans le même équipage. 9 personnes, et il faut se mettre d'accord. Et il faut se mettre d'accord. Donc, ça demande vraiment de la synchronisation. C'est une discipline où il faut, dans un premier temps, apprendre à faire les choses soi-même, seul, et ensuite corréler ce qu'on a appris seul avec d'autres membres d'un équipage. Donc www.avironnancy.com pour avoir déjà des infos écrites et puis vous contacter, venir vous voir directement aussi. Tout à fait, exactement. Vous pouvez venir nous voir. Sur le site, vous trouverez également nos numéros de téléphone. N'hésitez surtout pas à nous appeler, à nous envoyer un mail pour avoir toutes les informations que vous souhaiteriez. Merci beaucoup, Léo. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.